Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous dire de quoi on a parlé la dernière fois, comme c'est passé. On a parlé comment le shirk est apparu dans l'humanité. Et puis là, on continue aujourd'hui à la page 46. Je sais pas si c'est la même. C'est pas le même problème. Ah, ok, bon, ça n'y a pas de problème. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le danger du shirk. Et d'après une copie de ce qui est là. Non, d'accord. Donc, le danger du shirk, quand le shirk, le wujub al-hadar minhu, et l'obligation de faire attention, c'est-à-dire de s'en averser, hein, de son danger, et de tajallu bi asbabihi, c'est-à-dire en évitant toutes ces causes, toutes choses qui pourraient nous y amener. Je sais pas, on n'a pas encore expliqué en détail la signification du mot shirk, mais plus tard dans le livre, on va arriver à un chapitre où le shirk va être expliqué. Mais je pense que d'après le contexte, vous avez été capable déjà de comprendre de quoi il signifie. Donc, on parle de shirk, c'est-à-dire l'idolâtrie. D'accord? Et ça, c'est le plus grand péché dans l'islam. Donc, le shirk, il dit que il va parler de quoi dans ce chapitre? Du danger du shirk. Et de l'obligation d'en prévenir les gens contre le shirk, de prévenir les gens contre le shirk, et de l'obligation aussi de s'en éloigner et de tout ce qui peut nous y amener, c'est-à-dire nous amener à le faire. Et donc le shirk il dit, الشرك أعظم الذنوب, أعظم الذنوب, لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وذلك يجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه ويحمله على معرفته لتوقيه لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به كما قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات على جميع المخلوقات وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك وصد كل الطرق التي تقضي أو تفضي إليه فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحالة العرب بل وحالة أهل الأرض كلهم أو كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc, l'explication de ce que je viens de lire, c'est, Cheikh dit, le shirk c'est le plus grand des péchés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué dans le Coran qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui ne se répand pas de le faire. Dans le verset qu'on connaît très bien, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration, qu'on adore quoi que ce soit avec lui. Mais il pardonne à part ce péché-là tout autre péché à qui il veut. D'accord? Donc celui qui fait un acte d'idolâtrie en adorant ou en offrant à autre que Allah سبحانه وتعالى une forme quelconque d'adoration, alors, il n'y a pas pour lui de pardon s'il meurt dans cet état. La seule façon pour lui d'être pardonné, c'est de se repentir de ce péché-là, d'avoir commis le shirk, de se repentir et de cesser de le commettre, le shirk. D'accord? S'il se repent avant de mourir, ça y est, il va être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala s'il commence à adorer Allah uniquement et cesse de commettre le shirk. Hein? Tandis que s'il meurt dans cet état-là, alors il n'y a aucun espoir de pardon pour lui. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas le pardonner, il ne va pas le pardonner dans l'au-delà, il est garanti pour l'enfer et l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Celui qui commet le shirk, alors يشرك بالله فقد حرم الله الله لي interdit le paradis et sa destination sera l'enfer et pour les injustes il n'y a pas de secoureur. Et puis ça c'est différent des autres péchés dans l'islam. Par exemple, quelqu'un peut boire de l'alcool, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut voler ou commettre un autre acte de parmi les grands péchés, et s'il le fait et qu'il meurt dans cet état sans se repentir, Allah, dans sa miséricorde, peut décider de le pardonner pour une sagesse qu'il connaît ou pour montrer sa miséricorde pour ses autres formes de péché. Donc, si on voit ça, c'est pour ça que Allah, il dit dans le verset, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, et il pardonne à qui il veut tout autre péché, c'est-à-dire autre que le shirk, Allah, il peut le pardonner par sa miséricorde, mais pas le shirk. Hein? Donc c'est ce qui nous montre la différence entre le shirk et les autres péchés pour nous faire comprendre que c'est le plus grand. Donc le frère là il fait l'azan, oui, le frère il fait l'azan, donc on peut arrêter maintenant puis on revient après la prière puis on continue Inch'Allah. Hein? Ok, okay. Donc là on était rendu à expliquer justement le verset du shirk. Le verset que Allah Ta'ala il pardonne tout péché, il pardonne tout péché autre que le shirk. D'accord? Et donc, le shirk il dit donc, oui, malgré que Allah Ta'ala, on sait qu'il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, hein, mais quand on voit la menace qu'il a fait au sujet de l'idolâtrie ou du shirk, on voit exactement que, malgré sa miséricorde, on voit que Allah, c'est très dangereux de commettre ce shirk, ce péché-là qui est l'idolâtrie. Ça fait que celui qui le commet, eh ben, automatiquement, il va mériter l'enfer. Donc, le shirk il dit, on doit faire très attention et avoir très peur de tomber dans quoi que ce soit qui a rapport avec le shirk. Et lorsqu'on a acquis un certain savoir, une certaine connaissance au sujet du tawhid, au sujet du shirk, justement, ça va nous aider à justement pas tomber dans ce péché-là, parce que c'est le plus laid, le péché le plus laid, aqbah al-kabir, kabir c'est-à-dire laid, hein, et azlam al-dhulm, le plus injuste, la plus grande injustice parmi toutes les injustices. Et il dit, encore ta'ala, le shirk est certes la plus grande des injustices. C'est dans surat Luqman. Inna shirka la zulm al-azim. Après il dit, pourquoi? Parce que c'est une insulte, c'est quelque chose qui rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on impute à Allah subhanahu wa ta'ala une imperfection. On le rabaisse en adorant autre que lui, ou en mettant quelqu'un à égalité avec lui. Parce que quand on adore autre que Allah, c'est comme si on prend quelqu'un autre que Allah, et puis on le met à égalité avec Allah. C'est une injustice. Allah a dit, Allahina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ceux qui ont mécru ont mis des égaux avec Allah. Ils ont essayé d'égaliser d'autres choses, leurs idoles, ils ont essayé de les mettre à égalité avec Allah. Donc ça, c'est une injustice. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est-à-dire, ne faites pas des partenaires ou d'autres seigneurs avec Allah SWT, alors que vous savez que Allah SWT est le seul qui a tout créé. C'est lui le seul maître de tout. Alors que si vous savez ça, ne donnez pas à Allah SWT des associés dans l'adoration. Après, il dit, إن الشركة مناسبة للمقصود الخلق, للمقصود بالخلق والأمر. Donc, il dit le shirk en tant que tel, il contredit la raison même de la création et la raison même de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et son commandement et tout. Donc dans ce cas-là, de toutes les façons qu'on l'analyse, on voit que le shirk est une contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui associe quoi que ce soit avec Allah, c'est comme s'il a fait ressembler la créature au créateur. Et ça, c'est comme ça que le shirk est apparu dans l'humanité, parce que quand, par exemple, quelqu'un adore une pierre ou une idole ou une image ou quelque chose comme ça, c'est comme s'il donne à cette image ou à cette idole il essaie de lui donner des attributs divins. Donc il essaie de donner à la création des attributs du créateur, ou bien il donne au créateur des attributs de la création. Par exemple, il peut croire que par exemple, Jésus, celui qui croit que Jésus est Dieu par exemple. Okay, ben, il attribue à Dieu des attributs humains. Et ça, c'est ce qui pousse l'homme à tomber dans l'idolâtrie. Parce que Jésus, il mange, il dort, il boit, il va aux toilettes, il périme, et tout. Donc, comme tous les êtres humains. Donc, si on dit que Jésus c'est Dieu, ça veut dire que Dieu pourrait faire ces choses-là. Et ça, c'est comme une insulte pour adresser Allah Ta'ala. D'accord ? D'accord ? Wa aqbah at-tashbih. Oui. Alors, il dit c'est la plus laide des ressemblances qu'on peut faire parce que. Comment on peut faire ressembler l'être humain qui est faible ou la création qui est faible et qui a besoin d'autre chose pour survivre avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout puissant et qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'aucune autre créature. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu sa umma, c'est-à-dire la nation des croyants, il les a prévenus contre le shirk. Et il a fermé toutes les portes et toutes les voies qui pourraient nous faire tomber dans les formes du shirk. Alors, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir son prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes, alors que l'état des Arabes était la pire. Des états. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le chef il dit, et je dirais même que c'est pas seulement l'état des Arabes qui était la pire, l'état même de tous les êtres humains sur la terre à cette époque-là était un état lamentable au sujet de la religion et au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un verset, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc, le chef il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a cité parmi eux un messager d'entre eux qui leur récite les versets d'Allah et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse, évidemment, on dit que c'est la sunna. Hein? Donc, le prophète, il leur enseigne le livre qui est le Coran et la sagesse qui est la sunna. Alors qu'avant sa venue, ils étaient dans un égarement évident. Hein? Alors, le chef, il dit après, oui, j'avais pas lu encore cette partie. Le cheikh dit, la fadkana sal khaliqa fi hadhi il fatwa, baina wasaniyatin ha'iratin tattakhidu alihataha min hijaratin manhutatin, wa asnamin mansubatin ta'kifu indaha wa tatufu hawlaha, wa tuqarribu laha al-dabaihu min anfati amwaliha, bal wa hatta min awladiha. كما قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الشيخ يزي يزي la création où les êtres humains à cette époque-là étaient dans une période d'idolâtrie, hein, d'idolâtrie perdue, qui prenait des roches ou des pierres et des idoles comme objet d'adoration, hein, et puis qui se tenait devant ces idoles et ces pierres, et qui faisait des tawaf, qui tournait autour de ces idoles-là, comme pour les adorer, et qui sacrifiait pour les idoles leur plus grand bien, hein. Donc ils donnaient des offrandes à leurs idoles et ils sacrifiaient même parfois leurs enfants. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, il cite ça dans le Coran, il dit, et c'est de cette façon que les idoles ont embelli aux idolâtres même le meurtre de leurs propres enfants, dans le but de يرضوهم ويلبسوا عليهم دينهم يوبيك mais on comprend le contexte que c'est que dans le but de les égarer dans la religion puis de les donc ils ont été trompés même jusqu'à aveugler, jusqu'à même tuer leurs propres enfants. Et imaginez comment une personne peut être égarée au point de tuer même ses propres enfants pour les idoles. Alors là, on sait que ça est vraiment perdu. Après, il dit وفريق آخر من أهل الكتاب إما نصرانية الحائرة ضلت عن سواء السبيل جعلت الآلهة ثلاثة واتخذت من أحبارها وقديسيها أربابا من دون الله إما يهودية مدمرة عاتت في الأرض فسادا وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حرفتها عن مواضيعها وطريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران ويتخذون إلهين أحدهما خالق للشر خالق للخير والثاني خالق للشر بزعمهم وطريق رابع هم الصابئون الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الأرض وطريق خامس هم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب وهكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جهالة جهلاء وضلالة عمياء فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلمات إلى النور وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد كل الوسائل الموصلة إليه. Donc, le chef, il dit, et un autre groupe parmi les. Parce que, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il explique, le chef? C'est que, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, là, au moment de sa mission, tous les êtres humains sur terre, tous les êtres humains en général étaient égarés. Ils avaient perdu le chemin qui les mène à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, parmi les êtres humains, la plupart avaient perdu le bon chemin, excepté quelques personnes des gens du livre qui avaient gardé les enseignements de leur prophète, mais à part ça, tous les autres étaient perdus, égarés. Et donc, le cheikh, il dit après, il donne l'exemple des Arabes, comment les Arabes étaient perdus dans l'idolâtrie et l'adoration des idoles, comment par exemple ils faisaient le tawaf, même ils tournaient autour de. Parce qu'on sait que les Arabes avaient gardé une partie du message d'Abraham, hein, parce qu'on sait que les Arabes étaient descendants d'Ismaël, qui est le fils d'Abraham. Et donc, ils avaient continué ces pratiques. Ils avaient connu au début, ils savaient qu'il y avait seulement un seul Dieu, un Dieu unique, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec le temps, on sait que ils ont commencé à rajouter des idoles dans leur adoration et à prendre des associés et des intermédiaires avec eux et Allah pour adorer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Ils ont perdu le message d'Ibrahim. Hein? Bien sûr, après, il dit, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé aux Arabes, au début, eh bien, ils adoraient des idoles, ils adoraient des pierres, hein? Ils connaissaient ça comme des dieux, et ils faisaient même le tawaf, ils enlevaient tous leurs vêtements, et puis ils tournaient autour de la Kaaba. C'était ça leur hajj à eux, voilà, donc, et ils tuaient leurs filles, hein, ils tuaient leurs filles, ils les enterraient vivants, et même ils sacrifiaient des fois parfois même leurs enfants aux idoles quand ils avaient un problème. Alors on voit à quel point ils étaient égarés. Ensuite, ils passent à un autre groupe, ils nous montrent l'exemple des chrétiens à cette époque, qui parmi eux avaient quitté, beaucoup d'entre eux avaient quitté le droit chemin en disant que Dieu était une trinité, et il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que les trois soient un seul Dieu. Donc ça, c'est un exemple comment les chrétiens étaient égarés. Et ils ont pris leurs prêtres et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, qui nous adorait. Hein? Et on sait aussi qu'ils ont plein de saints aussi qu'ils adorent. Et un autre groupe qu'il mentionne aussi sont les Juifs. Il dit les Juifs à cette époque-là étaient répandus sur la terre, et partout ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils répandaient le désordre et les conflits. Ils faisaient les conflits partout où ils étaient. Et ils avaient déjà rompu leur serment ou leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils avaient joué avec les versets de leur livre pour les falsifier, pour changer leur sens. Donc ils avaient déjà falsifié leur livre. Et ensuite il dit, il y avait un autre groupe aussi parmi les êtres humains qui étaient les Majus. Et les Majus, c'est qui? C'est ceux qui adorent le feu. Donc eux, ils étaient en Perse, dans la Perse. À cette époque-là, l'Iran, ça n'existait pas, c'était pas du pays du musée, mais c'était une grande empire. Et puis eux, ils adoraient le feu. Et eux, leur croyance, c'est quoi? C'est qu'il y a deux dieux. Le Dieu qui a créé le bien et le Dieu qui a créé le mal. Donc, on voit comment ces gens-là avaient deux divinités au lieu d'adorer un seul Dieu. Et un quatrième groupe, c'était As-Sabi'un, c'est un groupe d'animistes, ou des gens qui adorent les étoiles. Ils croient que les étoiles ou les planètes ont une influence sur la vie des gens sur Terre. Donc, ces gens-là adoraient les étoiles et les idoles aussi. Et un autre groupe parmi les êtres humains à cette époque-là, qui était Ad-Dahriya, c'est des gens qui n'avaient pas aucune religion et qui ne croyaient pas ni à la résurrection, ni au jugement. Donc c'est des gens qui n'avaient pas vraiment une religion, c'était plutôt des athées. Hein, à cette époque-là, ils existaient déjà, même avant eux, les athées ont toujours existé en fait. Il y a toujours eu, à des époques différentes, des athées qui rejetaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en a parlé déjà au début quand on a expliqué Tawhid al-Rububiyya. Après, il dit, هكذا كانت حالة أهل الأرض. Voilà quel était l'état des êtres humains sur la terre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une ignorance profonde et un égarement aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé parmi ces hommes-là les gens qui ont répondu à son appel, répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et il les a ramenés à la voie et à la religion d'Abraham, qui est la religion du pur monothéisme. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait détruire les idoles qui étaient à la Mecque, parce qu'il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque victorieux, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait, il est descendu et il a commencé à briser les idoles. Donc, pour purifier les cultes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour que rien ne soit associé dans l'adoration avec autre que Allah, pour ramener la pureté du message de la religion d'Abraham. Donc, la première chose qu'il a fait, détruire les idoles. Et il a interdit toute forme d'idolâtrie. Et il a fermé toutes les portes qui pouvaient amener les gens à tomber dans l'idolâtrie. Et ici, le cheikh, ensuite, il explique les différents moyens qu'il a pris pour interdire tout ce qui pourrait nous amener au shirk. Et on va les mentionner maintenant. Il en a mentionné 7. Donc on va les mentionner. Puis il y en a peut-être d'autres aussi, mais là, c'est comme le cheikh, il veut seulement faire un résumé. الشيخ يقول وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك. الأول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه مثل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وأمر بأن يقال بدل ذلك ما شاء الله ثم شئت، لأن الواو تقتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب، وهذه التسوية في اللفظ الشرك الأكبر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. Donc la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam où le premier exemple que le cheikh mentionne des moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour fermer la porte à tout ce qui mène au shirk, eh bien, c'est l'exemple de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser quelques formes de langage qui pourraient faire croire ou faire penser aux gens qu'il y a une égalité entre Allah et entre sa création. L'exemple, par exemple, que lorsque un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au prophète et il lui a demandé quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma sha'allahu wa shi'ta » Donc il dit « Comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce que Allah veut est toi. » Il a dit au prophète « Ce que Dieu veut est ce que tu es. » En voulant dire « Ce que Dieu veut est toi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce que tu veux nous mettre égal avec Allah ?» Dis seulement « Ma sha'allah » C'est-à-dire, dis seulement ce que Allah veut. Dis pas « et moi ». Parce que moi et Allah, on ne doit pas faire une équivalence entre moi et Allah. Ou bien aussi, « Law Allah wa anta ». Les gens disaient, si c'est « Law la », c'est-à-dire, si ce n'était pas de toi, si ce n'était pas d'Allah, et toi. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire « et ». Quelqu'un, par exemple, qui dit grâce à toi et Allah, grâce à Allah et toi. Hein? Par exemple, quelqu'un t'a aidé à sortir de quelque chose, on va dire, je te donne un coup de main pour ton examen de mathématiques, et puis le lendemain, tu as réussi l'examen, tu viens me voir, tu dis grâce à Allah et toi. C'est comme si tu me mets égal avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut dire, le chef il a dit, on ne doit pas dire « et toi », on doit dire « summa », au lieu de dire « Allah », il dit ça, « grâce à Allah », ensuite « grâce à toi ». Pourquoi ? Parce que il faut montrer qu'il y a un ordre. C'est pas comme une affaire d'égalité. Grâce à Allah et par ta cause. Parce que grâce à Allah et puis grâce à toi aussi. En fait, quand on dit grâce, on comprend ce que ça veut dire. Mais parce que quand on dit grâce à toi, ça veut dire à cause de toi. C'est à cause d'Allah et puis ensuite à cause de toi. Ensuite à cause de toi. Parce que c'est pour dire. Il y a une différence parce que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui passe avant tout, si Allah ne voulait pas, et toi peu importe ce que tu allais faire, ça n'allait pas passer. Donc toujours on met Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et toi, Allah a voulu que toi sois une cause dans ça aussi, donc tu dis puis toi. Ah, puis. Parce qu'en fait, on sait que tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah, et c'est grâce à lui que ça arrive. Donc, ça aussi, c'est valable. Oui, avant toute chose, c'est toujours à cause d'Allah ou grâce à Allah. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrige ses compagnons à ce sujet-là, justement pour leur faire comprendre qu'ils doivent enlever de leur esprit toute idée d'égalité entre Dieu et son messager. Le messager, c'est le messager, et Allah, Dieu, c'est le créateur. Il ne faut pas, à aucun moment, égaler une créature au créateur. Et si c'est le cas pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est encore plus le cas pour tout autre être humain qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se prépare à être un saint ou qui se prépare à être un maître ou peu importe qui il peut être. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui justement répètent ces erreurs-là et ils croient que leurs chefs ont des pouvoirs exactement de les aider ou quoi que ce soit même après leur mort. il y en a, comme je vous ai déjà mentionné, il y en a qui croient que quand leur chef est mort, et bien, s'ils ont un problème dans la vie, bien, ils peuvent aller à la tombe de ce mort, lui demander de les aider. Puis ils croient que le mort, il sort de sa tombe, il s'en va le faire ce qu'eux leur ont demandé, et il revient dans sa tombe quand il a terminé. Donc, ça c'est vraiment des exemples de l'idée. Ouais. Après, le deuxième exemple, Cheikh dit, صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتجديدها والكتابة عليها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d'exagérer ou de faire des excès dans la glorification des tombes, soit en construisant quelque chose, un bâtiment dessus, comme un dôme ou un sanctuaire ou tout autre mausolée ou des choses comme ça qui sont faites sur les tombeaux. Et de mettre des chandelles dessus, ou des cierges, des chandelles ou des lumières, il y en a peut-être qu'il y a des lumières, ouais, des affaires comme ça. Aussi, Israjiha, et Tajtifiha, c'est-à-dire de les placer, comme par exemple, de mettre du plâtre par-dessus, ou d'écrire dessus quoi que ce soit. Ok? Et le prophète, ça c'est le numéro 2. Numéro 3, نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها لأن ذلك وسيلة لعبادتها. Donc, le prophète صلى الله عليه وسلم, une des choses qu'il a interdit pour bloquer la voie à l'idolâtrie, c'est d'interdire aux gens de prendre les tombeaux comme des mosquées, pour des mosquées, c'est-à-dire pour prier dans les tombeaux. Il a interdit aux gens de faire ça, de prier là où il y a des tombes. Et il a interdit aussi de mettre des tombes dans les mosquées. Parce que maintenant, dans les pays musulmans, vous allez dans beaucoup de pays musulmans, et en plein milieu de la mosquée, il y a une tombe. Ils ont soit construit la mosquée sur la tombe, c'est-à-dire la tombe était là, ils ont construit une mosquée par-dessus, ou bien ils ont fait le contraire. Ils ont enterré directement la personne dans la mosquée. Donc, on voit là exactement. Et c'est certain que la personne qui prie dans cette mosquée-là, sa prière est même pas acquise. Sa prière n'est pas la vie doit revenir. Ben, s'il ne sait pas, ça c'est autre chose. Mais s'il le sait, il prie là, c'est sa prière acquise. Et même, il y a des gens qui, par exemple, tu pries dans une mosquée, tu ne savais pas qu'il y avait une tombe, et qu'on te dit qu'il y avait une tombe après, et tu dois refaire ta prière. Ouais. Tu vois? Encore plus insolite, tu dis en rentrant, je pense à des gens qui construisaient des maisons. Ouais. Ouais. C'est ça, parce que après ce que j'ai compris, il y a des frères qui m'ont expliqué ça, parce que dans les certains cimetières, dans les pays musulmans, les gens ont tellement construit des dômes, des bâtiments sur les mosquées, sur les tombeaux, que les pauvres ont fait des piles avec ces cimetières-là. Ils ont même branché l'électricité. À l'intérieur des affaires, ils ont. Comme c'est ça que c'est le père dit là, c'est vrai, ça arrive dans les pays musulmans. Et ça, c'est un exemple de l'égarement, justement. Si le prophète a interdit de s'asseoir sur la tombe, ou de vivre là, c'est sa pensée. En Égypte, quoi, c'est en Égypte, mais là, dans tous les pays musulmans, il y a des affaires comme ça. Dans la plupart des pays musulmans. Sauf en Arabie Saoudite. Parce que, justement, avec le da'wah de Mohammed Abou Wahhab, il a fait niveler tous les tombes. Même, il y a un cimetière juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un cimetière là-bas qui s'appelle Al-Baqi'a. Il existait même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un endroit où les sahaba, beaucoup de sahaba sont enterrés là-bas, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque de Mohammed Abdul Wahhab, ce cimetière-là était rempli de tombes. Parce que c'est là que Fatima a été enterrée, Fatima la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il est enterré beaucoup des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, il s'enterrait tout près de Uhud. Ouais, là où il y avait les martyrs de Uhud. Là, il s'enterrait là-bas. Il y avait là-bas aussi des tombes. Quand le chef Mohamed Abdullah est arrivé là-bas, ou bien c'est ceux qui l'ont supporté après lui, eh bien, ils ont pris le pouvoir à la Mecque et à l'Église, et puis ils ont rasé tous ces tombeaux-là pour les migrer au niveau de la terre. Et tous les musulmans qui étaient là-bas, ils étaient scandalisés de voir que ces gens-là avaient nivelé les tombeaux. Parce que pour eux, c'était devenu comme quelque chose d'acceptable. Pour eux, là, ils avaient complètement oublié que ça, c'est des choses contraires à l'islam. Alors, pour eux, qu'est-ce que Mohamed Abdullahab a fait faire, et ses supporters, et bien, pour eux, là, c'était comme une sorte d'insulte. C'est comme une attaque contre les saints. Une attaque contre les hommes pieux. Et donc, pour eux, là, ils disaient, ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour les tombeaux, aucun respect pour les gens vertueux de l'islam. Alors qu'en réalité, il était en train d'appliquer directement l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit de prier en direction d'un cimetière. Bien entendu, bon, s'il y a une distance, s'il y a des bâtiments entre la mosquée et puis entre l'endroit où on prie et les cimetières, mais en général, on ne construit pas des mosquées devant des cimetières. Pour la mosquée du prophète. Pour la mosquée du prophète, c'est justement beaucoup d'entre les gens qui ont fait soit mettre une tombe dans la mosquée, ou mettre une mosquée dans la tombe, ou enterrer un mort dans une mosquée, ben, ils essaient de se baser sur l'exemple de la mosquée à Médine, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été enterré dans sa mosquée. Il avait été enterré dans la maison d'une de ses femmes, qui est Aïcha, radiallahu anha. Et la mosquée, elle était à côté de son tombeau, la mosquée était à côté de sa maison, elle n'était pas dans la mosquée. Alors, on va dire que ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y avait les maisons de ces femmes, et la première, c'était celle de Aïcha, radiallahu anha. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il était enterré dans sa maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Les musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard après, il y a eu des expansions de la mosquée. En premier, ils ont fait des expansions vers l'ouest et vers le sud, vers le nord, parce que le devant de la mosquée, c'est vers Mecca, c'est vers le sud. Donc le devant, c'est le sud puis l'ouest. Ils ont agrandi comme ça, puis vers le nord aussi. Mais plus tard après, il y a eu une expansion vers l'est. Et c'est ça qui a créé un problème, parce que c'est pas supposé de faire ça. Mais ils ont incorporé la maison de Aïcha à l'intérieur de la mosquée. Donc, c'est sûr que ce qu'ils ont fait, c'est pas correct, mais étant donné qu'elle est à l'intérieur de la maison, ils ont gardé les quatre murs de la maison, et puis ils ont dit, bon, on a juste à éviter de prier autour, et tout, donc ils ont gardé ça comme ça jusqu'à maintenant. Après, plus tard, parmi les dirigeants musulmans, il y en a qui ont fait construire un dôme par-dessus la maison de Aïcha. Et déjà, ça, c'était une autre innovation qui avait été rajoutée dans l'islam, parce qu'on sait, le prophète m'a interdit de construire quoi que ce soit sur une tombe. Alors, même si c'est une maison, on n'a pas le droit de bâtir un dôme sur la maison de Aïcha, puisque, étant donné que c'est là que le prophète est enterré. Et si vous regardez la plupart des photos qui sont prises de la mosquée du prophète, eh bien, il y a toujours un dôme vert pour représenter l'islam, un exemple de l'islam, alors que c'est une contradiction même de l'islam. Et puis même les soufis, on voit que souvent ils portent un turban vert, ou bien un soufi comme ça vert, de la même couleur que le dôme. C'est comme on dirait qu'il faut faire toujours de faire un lien avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a mentionné dans d'autres cours plus tôt que la raison pourquoi on va visiter Médine, c'est pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chaque prière qu'on fait dans la mosquée du prophète, elle vaut 500 prières. 1000 prières? Ok, d'accord, ok, je vais y aller avec la majorité. Non, en fait, c'est pas certain. Je croyais, oui, c'est vrai, vous avez raison. Al-Aqsa, c'est 500. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1000. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 10 000. Non. La mosquée à la Mecque, c'est 10 000. 100 000. Ok, d'accord. 10 000. Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça. 10 000, c'est pour que vous avez. On vérifie, On va vérifier. Donc, c'est pour visiter la mosquée, c'est pour prier dans la mosquée. La visite de la tombe, c'est pas notre première intention de visiter la ville, c'est plutôt visiter la mosquée. Après, qu'est-ce qu'il a dit comme quatrième point? نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك لما في ذلك في التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la prière lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche. Il a interdit de prier à ces moments-là. C'est-à-dire après le lever du soleil, jusqu'à ce que le soleil se soit assez élevé dans le ciel et avant le coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche complètement, c'est interdit de prier dans ces deux périodes-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les idolâtres se prosternaient au soleil. Alors, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter qu'il y ait une ressemblance avec les idolâtres, il nous a interdit de prier dans ces moments-là. Donc, on voit qu'il a insisté beaucoup pour justement fermer la porte à l'idolâtrie. Peut-être que les non-musulmans auraient vu des musulmans prier à ce moment-là, ils allaient dire « Ah, ces gens-là, ils adorent le soleil ». Donc, juste pour éviter ça, il a interdit de faire des prières supplémentaires à ce moment-là. Si par exemple, on va dire que c'est la prière, ça passe encore la prière obligatoire, puis le temps de la prière est près du coucher de soleil, dans ce cas-là, tu fais ta prière. Si tu n'as pas eu le temps, tu l'as fait quand même, mais sauf que c'est juste parce que tu as retardé. On dit ça lorsque le soleil se couche, et bien c'est l'air, on appelle la ligne rouge, c'est ça, parce qu'il y a une ligne rouge. Là, ils sont qualifiés comme ça, parce qu'ils viennent durer le temps. Ben, disons que c'est depuis que le soleil sort de son horizon jusqu'à ce qu'il se soit élevé assez dans le ciel. Mais à ce temps-là, normalement, c'est rouge. Ouais, au tout début, il est rouge, mais même après, quand il est juste sorti, là, tu attends, c'est ça tout de suite. Tu attends qu'il soit complètement élevé. Puis quand il se couche, une fois que le disque du soleil est dépassé l'horizon, là, tu peux prier. Mais avant ça, faut éviter, hein. Et le cinquième, نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire un long voyage pour aller dans un endroit quelconque avec l'intention d'adorer Dieu, donc avec l'intention d'aller faire une adoration, sauf pour trois mosquées. La mosquée de la Mecque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et la mosquée de Aqsa qui est en Palestine. Donc, pour ces trois mosquées-là, c'est permis de faire un voyage pour partir, pour aller les prier dedans, mais toute autre mosquée, ce n'est pas permis de faire un long voyage pour y aller. Non, ça c'est pas la même chose, parce que si tu t'en vas pour par exemple... On va juste finir ça et après. Oui, il est pas trop tôt. Le ne savait pas qu'il faisait. Ça c'est pas nécessaire de dire ça à quelqu'un en fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe où on est, on peut lui envoyer le salam. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu importe où vous êtes, quand vous me donnez, m'envoyez le salut, il y a un ange qui vient qui me transmet votre salam. Donc peu importe où on est, on peut envoyer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il va le recevoir, pas besoin d'être là-bas. Hein? Et puis, donc, je vais juste terminer, il reste juste deux autres points. Pourquoi le point du voyage, pour autre que les trois mosquées, c'est dans le sens que tu vas aller faire un voyage pour aller faire une adoration dans une mosquée en particulier. Mais si, par exemple, tu t'en vas là-bas pour étudier, il y a un savant qui donne un cours à telle mosquée, tu pars, tu vas étudier là-bas, ça c'est correct, parce que ton intention, c'est d'acquérir du savoir, c'est pas d'aller spécifiquement pour aller prier dans une mosquée en particulier. Okay? Mais pourquoi, en même temps, on utilise ce hadith comme ça, on l'utilise comme preuve pour ceux qui vont faire des voyages pour aller visiter les tombes d'un saint. Par exemple, ils partent en voyage, ils amènent de leur nourriture, ils amènent un sac, ils font une grosse préparation, et là ils partent en voyage, ils s'en vont visiter un saint qui est enterré quelque part très loin dans un endroit très très éloigné, parce qu'ils croient que par exemple ce saint-là, il est très puissant, il est capable d'exaucer leurs vœux, donc ils s'en vont, ils partent là-bas. Donc c'est le Ça marche pas pour les médias. Hein. Oui. Hein? Quand c'est autre chose. Oui, il y en a qui l'embrassent, il y en a qui le frottent avec leurs mains. Ils passent leurs mains sur la les murs. Hein, c'est les murs en fait. Mais ils sont quand même, j'ai vu des gens qui passaient au bord de la porte. Et ça, c'est les portes de la dernière expansion qui a été faite par le roi Fahad dernièrement. Là. Donc, ça, c'est, ça n'a rien à voir. Ça n'existait même pas au temps du prophète. C'est du rapport qui a été bâti nouveau là. Mais bon, c'est pas pour dire que si c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait mieux ou si ce serait permis, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment c'est absurde. Il passe, pour sortir de la mosquée, il passe devant la porte, là il commence à caresser la porte comme ça, frotter la porte. C'est des gens font des affaires absurdes. Oui, j'ai vu La connaissance intellectuelle, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois guidé ou égaré. Regardez Omar ibn al-Khattab, qui était un des plus grands califats de l'islam, un des plus grands hommes dans l'islam. Avant d'être musulman, il partait en voyage, il se faisait un petit dieu avec des dattes, puis il l'adorait. Puis quand il avait faim, il mangeait. Hein? Après l'islam, il mangeait des dattes, il riait de lui-même, qu'est-ce qu'il faisait avant. Il commençait à faire des... Comment j'ai pu être aussi stupide pour faire ça? Donc on voit comment la lumière de l'islam, quand elle vient dans une personne, elle lui fait voir des choses que même s'il était très intelligent avant, il avait une grande compréhension, il n'était pas fou, sauf qu'il n'avait pas la guidance. Attends, j'ai juste terminé. Le point numéro 6, نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مكي وقال لا تطروني كما أطرأت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراء هو المبالغة في المدح. الشيخ الدين السيديان النبي صلى الله عليه وسلم interdit aux gens d'exagérer dans sa glorification. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith: n'exagérez pas envers moi comme les chrétiens ont exagéré envers Jésus fils de Marie. Dites seulement que je ne suis seulement qu'un serviteur, un esclave d'Allah, alors dites Abdullah et son messager. Dites seulement ça, dites pas plus. Et il dit Al-Itra, le mot Itra, ça dit ça, l'exagération dans la glorification. Quand tu commences à exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point tel où tu commences à faire du chef, sans le vouloir parfois. Et parfois, en ayant conscience. Et le septième point, c'est le dernier point qu'il mentionne, il a dit Naha sallallahu alayhi wa sallam an wata ibn nadri. Iza kana imakan yu'badu fihi salamun aw yuqamu fihi aydun inda min ayad al jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire le serment à un endroit où une idole est adorée, ou à un endroit où les gens font des célébrations pour leurs idoles. Hein? Comme par exemple dans les pays musulmans, certains ignorants vont à une tombe et puis ils accrochent un morceau de tissu après la tombe ou après un arbre, et puis là ils font un vœu. Ils disent bon, si le Saint exauce mon vœu, je vais venir l'année prochaine, je vais sacrifier un mouton ou une vache ou bien une poule pour le Saint. Ça, c'est des exemples de chiffres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et de faire des vœux dans des endroits où les gens adorent des idoles, c'est interdit. Donc, كل هذا حذر منه بناية التوحيد وحفاظا عليه وسدا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه. Tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous en a prévenu pour protéger le tawhid et pour le garder, le préserver. Hein? Et pour fermer tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent nous apporter ou nous amener à tomber dans le shirk. Au niveau, هذا البيان الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك. خالف القبوريون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره وارتكبوا ما نهاهم عنه فشيبوا القباب على القبور وبنوا عليها المساجد وزينوها بأنواع الزخارف وصرفوا لها أنواع من العبادة من دون الله. Il dit tout, avec toute cette explication là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec toute cette précaution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour prévenir et pour éloigner sa umma du shirk, malgré tout on voit aujourd'hui les adorateurs de tombeaux ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont désobéi tous ses ordres, et ils ont fait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit. Ils ont construit des dômes sur les tombes, sur les tombeaux, et ils ont construit des mosquées sur les tombes, et ils les ont embellis avec toutes sortes de décorations, et ils ont dépensé, ils ont fait pour ces tombes-là toutes sortes d'adorations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le chef il cite un exemple de Ibn Qayyim al-Jawziyyah, une explication vraiment, mashallah, qui est claire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer avant l'Iqama. Je vais le lire, puis... Ouais, je vais le traduire directement. Il dit, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui regarde qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi comme sunna au sujet des tombeaux. Non. Ah d'accord. Donc on va arrêter aujourd'hui. On va continuer, inshallah, la semaine prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقول ما أقول ما أقول.